Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Queer, je suis coprésident et guide de l'association Les Amis du Pays d'Alge, donc la Société d'Histoire de Saralbe. Donc, je vais vous présenter un maillon atypique de la ligne Maginot qu'on désigne aujourd'hui sous l'appellation de ligne Maginot aquatique. Donc, cette expression n'est ni un terme militaire ni un terme d'historien, puisqu'elle trouve son origine récente dans le titre d'un livre écrit en 1989 par M. Paul Marc, « La ligne Maginot aquatique, celle qui résista dans la trouée de la Sarre en 1940 ». En 2010, le tourisme s'est emparé de cette expression en créant une route de la ligne Maginot aquatique qui n'est en fait qu'un concept de mise en valeur touristique du territoire. Le terme de ligne Maginot aquatique est une expression imagée qui désigne le dernier hydrosystème militaire mis en place en Moselle au début des années 1930 pour combler un vide sur la ligne Maginot. Donc avant de décrire ce système sous son aspect technique et voir son rôle dans les événements de juin 1940, voyons les raisons qui ont amené à sa réalisation. Donc la ligne Maginot a été construite entre 1930 et 1935 pour couvrir les frontières est du pays face à l'Allemagne et face à l'Italie. Dans le quart nord-est de la France, elle était organisée en deux grandes régions fortifiées, la région fortifiée de Metz et la région fortifiée de la Lotterre. La défense de ces deux régions reposait sur un ensemble d'ouvrages souterrains, dont seuls les blocs de combat protégés par une carapace de béton et d'acier émergeaient à la surface du sol et dont le reste des installations se trouvait 30 mètres sous terre. Cependant, la ligne Maginot en Lorraine n'était pas continue car les régions fortifiées de Metz et de la Lotterre étaient séparées par un intervalle large d'une quarantaine de kilomètres, initialement libre de toute fortification, qu'on appelait la trouée de la Sarre. Donc cette trouée se situait approximativement entre Saint-Avold et Sarreguemines et elle faisait face au territoire de la Sarre qui avait été créé en 1920 par le traité de Versailles. Et l'administration de ce territoire avait été confiée pour 15 années à une commission internationale mise en place par la toute nouvelle Société des Nations. Et à l'issue de cette période, les Sarrois devaient choisir par plébiscite entre trois options, donc soit le rattachement à l'Allemagne, le rattachement à la France ou le maintien du régime international. Donc dans les années 1920, quand on va élaborer la nouvelle défense des frontières, il aurait paru impolitique de vouloir fortifier notre frontière face à ce territoire, car on aurait alors préjugé du résultat du vote qui, lui, ne devait se dérouler qu'en 1935. Donc c'est la raison pour laquelle on n'avait pas prévu, pendant la période d'étude de la ligne Maginot, de fortifier cette région. Mais en 1927, le maréchal Pétain va demander à ce que l'on rende ce terrain impraticable. L'étude générale de la ligne Maginot était à ce moment-là déjà trop avancée pour y inclure la trouée de la Sarre. On décide alors de mener une étude indépendante qui aboutira entre 1932 et 1934 à l'aménagement dans la partie est de la trouée de la Sarre d'une zone inondable. Donc le principe, on veut gêner le déplacement de l'ennemi et paralyser son action en le contraignant à s'arrêter en terrain découvert. Donc l'obstacle que l'on veut créer doit pouvoir être mis en œuvre rapidement, mais ne doit pas pouvoir être contourné ni franchi facilement sans que les éléments ennemis, sans l'utilisation de moyens spéciaux. Donc on va chercher à inonder artificiellement un large secteur sans pour autant créer des inondations permanentes. Donc pour cela, on va s'appuyer sur des éléments naturels existants, en l'occurrence des ruisseaux et des rivières, que l'on va aménager de façon à en inonder rapidement le lit majeur. Donc ces cours d'eau étaient le Motterbach sur une dizaine de kilomètres, le courant inférieur de l'Alpe sur environ 6 kilomètres, et la Sarre entre Saralbe et Vitrin, donc là également sur une dizaine de kilomètres. La réalisation, pour ce faire, on va y construire des barrages à poutrelles amovibles, ouverts en temps de paix, c'est-à-dire par lesquels l'eau peut s'écouler normalement sans risquer de créer d'inondation. Donc 8 barrages seront construits, Donc 5 sur le Mutterbach, 1 sur l'Albe et 2 sur la Sarre. Donc en cas de menace, on pouvait rapidement fermer les barrages en mettant en place des poutres en bois stockées sur les ouvrages. Donc sur ce schéma de principe, la partie de droite représente donc le barrage ouvert en temps de paix et la partie à gauche, le barrage en cours de fermeture. Et pour pouvoir mettre ces inondations en œuvre rapidement et à n'importe quel moment de l'année, on va créer des réserves d'eau disponibles en permanence. Ce seront des étangs réservoirs. Donc les 6 étangs réservoirs de la vallée du Mutterbach, donc qu'on retrouve ici, étaient les étangs artificiels implantés sur les affluents de la rivière. Donc chaque étang alimentait directement un bief d'inondation, sauf celui du Velschhof qui, lui, en alimentera 2 successifs. Les étangs de Osterhaut et de Osterbach avaient la particularité d'être situés directement sur la ligne de front et donc assuraient une double fonction, celle d'étang réservoir, mais également celle d'obstacle. Les autres étangs se trouvaient en arrière de la ligne de front, sauf encore une fois le Velschhof qui se trouvait, lui, côté assaillant. On utilisera également des ressources d'eau existantes vers le sud du département. Donc ce sont les étangs du Stock et de Mittersheim qui servent habituellement à alimenter le canal de la Marne au Rhin et le canal des Houillères de la Sarre. Donc l'étang de Mittersheim avait été équipé de vannes supplémentaires et servira à alimenter le bief de l'Albe via le canal des Houillères de la Sarre, alors que la digue de l'étang du Stock avait été rehaussée pour augmenter sa capacité de stockage et ainsi donc pouvoir alimenter le bief d'Herbitzheim et de Vitrin via tout simplement le cours normal de la Sarre. Donc la mise en œuvre de ces inondations, donc le principe, c'est que dès réception de l'ordre d'inonder le secteur, on fermait les barrages, puis on ouvrait les vannes des étangs réservoirs, et au bout de 36 heures, l'obstacle était suffisant pour arrêter l'ennemi. Une fois que le niveau d'eau maximum était atteint dans chaque barrage, bon, on refermait les vannes des étangs. Et le chapelet d'inondation qui est ainsi créé faisait une inondation presque continue de Host jusqu'à Vitrin, sauf à l'est de Host et au sud d'Olvin, où les rivières avaient été recreusées en fossés anti-char. Donc nous avons ici 3 illustrations de ces inondations. Donc la vallée du Mutterbach à Olvin. Donc la continuité des obstacles terrestres était assurée, et on voit ici des réseaux de rails anti-char qui se prolongent jusque dans la zone inondée. Inondation de la vallée de l'Albe en dessous. Donc là, on voit l'eau de l'étang de Mittersheim qui est en train de remplir le bief de l'Albe. Et la dernière illustration, c'est l'inondation de la vallée de la Sarre à Herbitzheim. Donc prenons un exemple concret de la mise en œuvre des inondations, en prenant celui du bief de l'Uperchus, donc qui se situait le plus en amont et qui était alimenté par les étangs de Osterhaut et de Osterbach. Donc chacun de ces étangs a sa propre alimentation et les deux se rejoignent pour former le Osterbach, transformé en fossé anti-char sur environ 2 km, avant d'aller se jeter dans le Mutterbach. Donc transformer un ruisseau en fossé anti-char, ça consistait à surcreuser son lit afin que sa largeur atteigne 8 mètres de bord à bord et que sa profondeur totale soit de 2,50 m, dont 1,80 m d'eau. La profondeur d'eau d'1,80 m était obtenue au moyen de seuils submersibles convenablement répartis tout au long du Talweg. Donc on avait 10 de ces seuils répartis sur le Osterbach. Donc les 2 photographies ci-dessous montrent pour l'une un seuil tel qu'il se présentait et pour l'autre un seuil qui a été ouvert en son milieu et donc laissant apparaître son profil triangulaire. Donc quand on voulait inonder le bief de l'Uperchus, on fermait le barrage, puis on ouvrait simultanément les vannes des étangs de Osterhaut et de Osterbach en faisant en sorte que la même quantité d'eau s'écoule en même temps des 2 étangs. Et quand le bief de l'Uperchus était rempli, donc 260 000 m3, ben on refermait en même temps les vannes des 2 réservoirs. Le niveau de l'étang de Osterbach, qui est de 3 mètres, lui n'avait pas changé, alors que celui de Osterhaut, qui était initialement de 6,25 m, avait baissé de 2 mètres, mais restait encore suffisant pour créer un obstacle sur la ligne de front. Et donc ici, on a une photographie aérienne de ce bief prise par les Allemands le 10 juin 1940. Donc le barrage se trouve ici sur la gauche de la photo. L'inondation s'étend sur un front d'environ 1200 mètres pour une largeur de 250 mètres et une profondeur d'eau au niveau du barrage de 3,25 m. Et sur la droite, nous apercevons donc le Osterbach qui avait été transformé en fossé anti-char. Donc nous en arrivons maintenant au rôle joué par cette ligne Maginot aquatique en 1939-1940. Donc d'abord, un bref rappel de la chronologie des événements au début des années 30 jusqu'en juin 1940. Donc 1932-1934, c'est les travaux de réalisation du système d'inondation. 13 janvier 1935, chez nos voisins allemands, se déroule le plébiscite de la Sarre. Donc le résultat est sans appel, puisque plus de 90% des Sarrois ont voté pour leur retour à l'Allemagne. Alors brusquement, la trouée de la Sarre perd le bouclier que représentait le territoire sarrois, qui jusque-là était une zone démilitarisée sous contrôle direct de la Société des Nations. Donc de 1935 à 1939, ce sera l'installation de troupes permanentes affectées à la défense du secteur et réalisation de travaux de mise en défense du terrain. 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Début octobre, fermeture partielle des barrages et inondation progressive du secteur. Suite d'octobre 39 à mai 40, la situation se fige sur la ligne Maginot, donc c'est ce qu'on appelle la drôle de guerre, qui se traduira par la poursuite de l'aménagement défensif du secteur. Donc voici des photographies parues dans la revue Match en avril 1940. Donc le reportage était intitulé « La Venise du front », il montre tout simplement la ville de Puttelange au lac inondé. Donc même si les hommes sur ces photos prennent la pose, la situation des inondations était bien réelle. Et donc toute la partie basse de la ville était sous les eaux des inondations défensives. Et donc tout va basculer le 10 mai lorsque les Allemands vont lancer leur offensive à l'ouest. Donc, un plan d'attaque en deux phases. Le plan jaune, donc du 10 mai au 4 juin, donc, la ligne Maginot elle va être contournée par la Belgique et le front sera percé à Sedan. Après le plan rouge du 5 au 22 juin, donc là la France va être envahie en profondeur, alors que la ligne Maginot sera la cible d'une attaque en un point assez central et faiblement fortifié, en fait la trouée de la Sarre. Donc au début du mois de juin, dans la trouée de la Sarre, on va ouvrir les vannes des étangs pour amener les inondations à leur niveau maximum, car la première armée allemande du général von Witzleben est en train d'avancer ses troupes pour préparer ce qui sera la première attaque frontale lancée contre la ligne Maginot. Donc cette opération, qui sera baptisée l'opération Tiger, sera déclenchée le 14 juin à l'aube, alors que ce même jour, les troupes allemandes défilent sur les Champs-Élysées à Paris, qui était déclarée ville ouverte. Donc l'objectif de la première armée allemande au premier jour de l'offensive, ça va être de faire une brèche de 20 km de large sur 4 à 6 km de profond. Donc on a ici la base de départ des troupes allemandes le 14 au matin et en dessous la ligne à atteindre le soir même. La zone inondable, elle, va de Host jusqu'à Vitrin, alors que les fortifications de campagne s'étendent de Capel jusqu'à Bidin. Donc on voit que l'effort principal allemand va se faire dans la partie ouest de la trouée de la Sarre, c'est-à-dire en dehors de la grande zone inondée. Donc les moyens mis en œuvre côté assaillant, 90 000 Allemands en première ligne, plus de 1000 pièces d'artillerie de tout calibre, et une centaine d'avions d'attaque et de bombardement. Côté défenseur, 20 000 hommes en première ligne, une centaine de canons et aucun avion français présent dans le ciel ce jour-là. Au soir de la bataille, les Allemands sont très loin d'avoir atteint leurs objectifs. Donc les soldats français se sont accrochés au terrain et malgré la supériorité numérique et matérielle écrasante des assaillants, les soldats français ont tenu les Allemands en échec. Donc la partie des défenses françaises qui avait été grignotée par les Allemands se situait en dehors des zones inondées. Donc on avait ici, du côté de Bidin, Barst-Capel, le passage entre les étangs de Ost-Haut et de Ost-Bas, et un bois à l'est d'Ost. Mais nulle part, les Allemands ne pourront exploiter ces faibles brèches et percer les lignes françaises ce soir-là. Le bilan humain était très lourd, puisqu'on compte 750 morts et 1800 blessés côté défenseur, et 1200 morts et 4000 blessés côté assaillant. Et donc, malgré cette résistance acharnée, les troupes françaises auront l'ordre de se replier le 14 juin au soir en direction du sud. Et donc, talonnées par les troupes allemandes, elles livreront une ultime bataille sur le canal de la Marne au Rhin le 18 juin, avant de poursuivre leur repli vers le massif vosgien, où elles auront l'ordre de déposer les armes le 22 juin dans la soirée. Donc, dans la trouée d'Assas, les installations techniques de la ligne Maginot aquatique avaient été relativement épargnées, et dès la fin des combats du 14 juin, les Allemands ont commencé à ouvrir les barrages afin d'assainir le terrain ennoyé depuis des mois. S'en suivront ensuite 5 longues années d'annexion. En décembre 1944, lors des combats de la Libération, les Allemands inondent à leur tour la vallée du Motterbach et sabotent les digues des étangs pour freiner l'avancée américaine. Donc sur ces deux photographies, un même lieu, tout simplement à 4 ans et demi d'intervalle. Donc la vallée du Motterbach inondée au sud de Puttelange. Donc en juin 1940, les troupes allemandes franchissent les inondations pour poursuivre l'occupation du pays. Et en décembre 1944, les troupes américaines franchissent les inondations dans l'autre sens pour libérer notre région. Au début des années 1950, l'armée française va remettre en état tout le système d'inondation sur le Motterbach et sur l'Albe. Ce ne sera cependant pas le cas dans la vallée de la Sarre, car on craignait que cela puisse provoquer des inondations accidentelles. Donc, au début des années 1970, l'armée abandonnera le système d'inondation qui sera alors démilitarisé. Donc, les communes qui avaient des étangs réservoirs sur leur territoire les rachèteront par l'intermédiaire d'un syndicat intercommunal des étangs qui avait été créé pour l'occasion. Donc les étangs connaissent alors une mutation fonctionnelle vers le tourisme en se reconvertissant en pôle de loisirs nautiques et de pêche ou alors en lieu de pêche et de découverte de la nature et de la vie faune, comme par exemple ici l'étang de Ost-Bas, donc l'étang en 1940 et l'étang aujourd'hui. Donc cette reconversion passe aussi par une phase de renaturation du Ost-Bach et du Motterbach. En effet, les travaux qui avaient été entrepris par les militaires dans les années 1930 avaient considérablement perturbé leur fonctionnement. Donc depuis une dizaine d'années maintenant, les travaux de restauration et de renaturation ont été entrepris afin que la nature se réapproprie les lieux. Et donc pour exemple, sur les trois photographies ici, on a l'effacement des seuils sur le Ost-Bach. Donc la situation initiale lors des travaux et deux années après où la végétation a repris ses droits. Donc c'est sur cette note verte que se termine mon exposé. Mais avant de vous laisser la parole pour répondre à vos questions, je dois simplement vous signaler que l'association des Amis du Pays d'Albe, donc, que je représente, tient un stand ce week-end ici même. Donc je vous invite à le découvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, dans la salle Saint-Norbert. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je suis vraiment prêt à répondre à vos questions.